Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices, bonjour. Philosophie Pink. Voici la conclusion du manifeste Pink écrit par Greg Graffin, chanteur du groupe Bad Religion, dans le but de dévaluer les caractéristiques de mode, d'amabilité et d'impulsivité que les gens attribuent au Pink. Le Pink est l'expression personnelle de notre caractère unique qui vient des expériences acquises en grandissant en accord avec notre capacité humaine à raisonner et à poser des questions. Le Pink est un mouvement qui sert à réfuter les attitudes sociales perpétuées à travers l'ignorance délibérée de la nature humaine. Le Pink est un procédé d'interrogation et d'engagement pour la connaissance résultant dans le progrès par soi, et qui par extrapolation, peut mener à un progrès social. Le Pink est une croyance que le monde est ce que nous en faisons, la vérité vient de notre compréhension de ce que les choses sont, non pas de l'adhésion aveugle aux prescriptions des choses qui devraient être. Le Pink est la lutte constante contre la peur des répercussions sociales. Vous écoutez Radio Parasite. Ça tue.